soit rien de plus que la dérision des révolutions d'histoire de rue. Pour tout mettre à nu, agencer nos idées, dégager les gavés de leurs enjeux communs. Comme un ange se perçant les ailes, descendre sur terre, se perdre sans elle. Ignorance, ironie du cœur, pour descendre sous terre, se perdre sans affaire. Comme un ange se perçant les ailes, pour descendre sur terre, pour se perdre sans elle. Insolence, incendie du cœur, étranger malheur, des gens qui n'ont plus rien. Terres inconnues, en terrain connu, là sans surprise, par surprise, un enjeu commun. Les terres irradiées ont soufflé les cités, sans s'en féliciter, des acteurs malins. Comme un ange se perçant les ailes, descendre sur terre, se faire sans elle. Insolence, incendie du cœur, l'étranger, le malheur, des gens qui n'ont plus rien.